إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est la troisième partie de l'explication de أصول السنة en fait يعني hier on a fait l'introduction puis on a fait la biographie hein, et aujourd'hui on commence dans la aqidah de l'imam al-Humaydi donc c'est la troisième partie mais c'est le début de l'explication de la aqidah de l'imam al-Humaydi qui s'appelle ou qui s'intitule Usul Sunnah les fondements de la Sunnah donc le texte de cette aqidah ça commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا donc يعني bien entendu la chaîne de chaque livre hein, en principe de la aqida des salaf elle commence par une chaîne de transmission et ici elle a été coupée parce qu'elle est plus longue que ça mais elle a été raccourcie de toute façon يعني qu'est-ce qui est important c'est يعني de connaître le début de cette chaîne et celui qui a transmis cette aqidah de l'imam al-Humaydi c'est Bishr ibn Moussa et Bishr ibn Moussa son nom c'est Abu Ali Bishr ibn Moussa ibn Salih ibn Sheikh ibn Umayra al-Asadi al-Baghdadi al-Imam al-Hafiz al-Thiqa qui est né en l'an 190 قال Abu Bakr al-Khallal كان أحمد بن حنبل يكرم بشر بن موسى وقال الدارقطني ثقة وقال الخطيب البغدادي كان ثقة أمينا عاقلا ركينا وتوفي في ربيع الأول سنة 288 رحمه الله donc celui qui a transmis cette aqida de l'imam al-Humaydi c'est Bishr ibn Moussa comme on a dit il est un imam un thiqa quelqu'un de fiable qui est né en l'an 190 Abu Bakr al-Khallal, il a dit que l'imam Ahmad, il honorait Bishr ibn Moussa. Et l'imam al-Daraqutni, il dit qu'il est thiqa, c'est-à-dire c'est quelqu'un de fiable. Et al-Khatib al-Baghdadi, il dit qu'il était fiable et que c'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de posé. Et il est mort dans le mois de Rabi' al-Awwal de l'année 288. Donc ça c'est l'imam qui a transmis cette aqida de l'imam al-Humaydi. Il a dit, l'imam al-Humaydi, قال السنة عندنا. Donc, l'imam al-Humaydi, il dit, la sunna pour nous. C'est-à-dire, pour nous, les gens de Ahlul Sunnah wal Jama'a, et pour les ulama, et les gens de la sunna de son époque, et avant et après. Et là, il commence à énumérer les différents articles de la sunna. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que, dans cette aqidah, on voit parmi les fondements de la aqidah. Et les fondements de la aqidah sur lesquels la plupart des gens ont dévié parmi les sectes et les groupes d'égarement. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont certains points sur lesquels, les groupes de déviation ont dévié. Comme par exemple, al-qadar, al-asma wa sifat, et al-iman et d'autres points de ce genre. Si quelqu'un a une déviation ou a une innovation dans ces questions-là et dans ces points-là, et s'il contredit la position des salafs sur un de ces points-là, on va considérer que c'est un égaré, que c'est un mubtadi'. Et donc, c'est très important de comprendre. C'est ça qui fait la distinction entre celui qui est salafi et celui qui n'est pas salafi. C'est ça la base. C'est ça la base de ce manhaj, de la aqida et du manhaj des salaf al-salih. Donc, il dit « as-sunnatu indana ». Maintenant, il y a un petit point de clarification ici par rapport à la sunna. « Al-maqsoudu bis-sunna huna al-aqida salima wa manhaj al-salaf al-salih fi usul al-din. Wa qad ishtahara hadha al-itlaq fi al-qarn al-thalith الهجري وما بعده حينما ظهرت الفرق وراجت عقائد أهل البدع والأهواء فأخذ العلماء وأئمة المساجد يطلقون على مسائل العقيدة وأصول الدين السنة تمييزا لها عن غيرها من أقوال أهل البدع والأهواء كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن غيرهم من أهل الفرق والأهواء. Donc, le cheikh explique qu'est-ce qu'on veut dire par la sunna, dans cette parole de l'imam al-Humaydi, c'est la bonne aqida, la aqida qui est propre, la aqida qui est correcte, et la méthodologie ou la voie des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs, dans les fondements de la religion. Et cette appellation, elle a été propagée, ou elle a été le plus connue à l'époque du 3e siècle de la Hijra, au moment où les sectes d'égarement ont commencé à se propager, ainsi que les fausses croyances, elles ont commencé à se propager parmi les musulmans. Et les innovations, et les passions, et toutes ces choses-là. Donc, lorsque ces innovations-là sont apparues, les ulama et les imams de l'époque ont utilisé l'expression as-sunnah pour désigner les principes et les fondements de la aqida qui sont en accord avec le Coran et la Sunna et la Aqida des Salaf. Ils ont désigné ces choses-là par le terme As-Sunna. Donc quand on dit As-Sunna dans ce livre, quand l'imam Al-Humaydi il dit As-Sunnatu indana, ça ne veut pas dire l'expression du mot Sunna qui est comprise chez les gens d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, si je leur dis telle ou telle chose, c'est la Sunna, ou ça fait partie de la Sunna, ils peuvent parfois s'imaginer que c'est quelque chose qui est recommandé, ou quelque chose qui est surérogatoire, quelque chose qui n'est pas obligatoire dans la religion, on dit que c'est mustahab, ou que c'est sunna. Ici, dans le vocabulaire des imams, des salafs, le mot sunna, c'est pas ça que ça signifie. Le mot sunna a une signification beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et elle indique, ou elle implique, en fait, la voie droite, et la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba et des tabi'in, dans les fondements de l'aqida et dans les principes de la religion en général. Donc, cette appellation-là, elle a été connue à cette époque-là, elle s'est répandue à cette époque-là par le terme as-sunnah, pour faire une distinction avec les croyances des gens de bid'a et de passion de l'époque. Et également, le terme ou l'expression ahl-sunnah wal-jama'a, il a été répandu à cette époque-là aussi, pour faire la distinction de ceux qui sont sur la bid'a et la division. Ahl-Sunnah, ce sont ceux qui sont sur la Sunnah par opposition à ceux qui sont sur la bid'a, l'innovation. Donc, on peut dire que le contraire de la Sunnah, c'est la bid'a. Et le contraire de la jama'a, c'est Al-Furqa, c'est la division. Donc, on dit, quand on dit Ahl-Sunnah, Wal-Jama'a, ça veut dire que c'est des gens qui sont réunis sur la Sunnah. Donc, ils sont unis parce qu'ils s'unissent sur la vérité, sur Al-Haq, sur la Sunna. Tandis que les gens bid'a, par nature même et par définition même, ils sont divisés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent al-ahwa, ils suivent les passions, ils suivent les innovations. Donc c'est pour ça qu'on les appelle ahlul bid'a'i wal-firqa, wal-furqa. Donc parce que c'est les gens qui sont divisés, qui sont pas basés sur, qui se tiennent pas sur la vérité. Donc, on retrouve cette appellation-là et cette expression-là dans plusieurs des livres et des paroles des imams des salafs. Ils disent la sunna. Même l'imam Ahmad, dans son livre, Usul al-Sunna, il dit as-sunnatu indana. La même chose. Donc, pour eux, cette expression-là, c'est l'expression de l'islam dans son sens général. Et c'est pour ça qu'ils écrivent des livres qui s'intitulent par ce terme-là, as-sunna. Et l'imam Ahmad, il a un livre qui s'appelle as-sunna. Al-Khalal aussi, et le fils de l'imam Ahmad, et d'autres imams également, comme Ibn Abi Asim, Al-Marwazi et d'autres. Et l'imam Al-Barbahari, le cheikh dit, « Wa yaqulu al-Barbahari, rahimahullahu ta'ala, i'lam anna l'islam huwa sunna, wa sunnatu hiya l'islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. » Hein, sachez que l'islam c'est la sunna, et la sunna c'est l'islam, et un ne peut pas tenir sans l'autre. Donc il ne peut pas y avoir d'islam sans la sunna, il ne peut pas y avoir de sunna sans l'islam. Hein? Et donc ça c'est yani un point important à ce sujet-là. Ensuite, l'imam al-Humaydi il dit, comme premier article ou premier point, « أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإنما أخطأه لم يكن ليصيبه وإن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. » Donc ça c'est le premier point parmi les articles de la sunna. C'est, il dit, c'est la sunna pour nous, c'est de croire qu'un individu doit croire en la prédestination, en al-qadar, qu'est-ce qui a été prédestiné, que ce soit dans le bien ou dans le mal, que ce soit quelque chose de hulwun, yani quelque chose qui est sucré, ou bien quelque chose qui est amer, yani que ce soit bon ou mauvais. Tout ce qui t'arrive, ça a été écrit, ça a été prédestiné pour toi. Et que cet individu-là sache également que ce qui l'a atteint ne pouvait pas le manquer. Et ce qui l'a manqué ne pouvait pas l'atteindre. Et que tout ça est établi selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sorte du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le premier point. Et la raison pourquoi l'imam al-Humaydi il mentionne cet article-là dans les fondements de la sunna en commençant, c'est justement parce qu'il y a des groupes d'égarement qui ont dévié au sujet de la prédestination. Et parmi ces groupes-là, il y a al-Qadariya. Al-Qadariya, ceux qui nient la prédestination complètement. Eux, ils disent, il n'y a pas de prédestination. On fait nous-mêmes et on décide nous-mêmes. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné quoi que ce soit. Donc ça c'est Al-Qadariya, il nie la prédestination. Et ceux qui font partie de cette catégorie-là, c'est les Mu'tazila. En général, c'est eux qui nient Al-Qadar. Et on peut inclure avec eux les Shia, parce que la plupart des Shia, Rafida, sont sur l'aqida des Mu'tazila dans le Qadar. Et il y a l'autre opposé des Qadariya, c'est les Jabriya. Et le Jabriya, c'est ceux qui disent qu'on n'a pas de volonté. On n'a pas de volonté, on n'a pas de choix. On est forcé de faire ce qu'on fait. Hein? On n'a pas de liberté et on est comme une plume dans le vent. D'accord? Donc, ça c'est ceux qui défendent cette position-là, soit c'est les Jahmiyyah et les Soufiyyah extrémistes parmi ceux qui suivent la voie des Jahmiyyah parmi eux. Donc, ça c'est deux exemples parmi les extrêmes. Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a se tient entre les deux extrêmes qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné tout et qu'il n'y a rien qui sort de sa volonté et de sa puissance, mais en même temps l'être humain il a une volonté, il a une capacité de faire ce qu'il fait, hein, il a un choix, d'accord. Et yani, donc on donne quelques exemples par rapport à qu'est-ce qui a été dit au sujet de al-qadar. Al-iman bil-qada' wal-qadar ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يتم إيمان العبد إلا بإيمان به إلا بالإيمان به وذلك بأن يقر العبد ويصدق التصديق الجازم يصدق التصديق الجازم أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأنه تعالى فعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء من مشيئته وأن كل ما أمر قد خط باللوح المحفوظ وأنه عز وجل خالق لأفعال العباد عالم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء برحمته. Donc le cheikh il commence à expliquer le fait que la foi en la prédestination, c'est un parmi les piliers de la foi en islam. Arkan al-Iman. On sait que dans le hadith de Jibril, quand Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé « Mal iman » qu'est-ce que c'est la foi? Et il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Al-Iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa an tu'mina bil-qadari khayrihi wa sharrihi » Donc parmi les 6 articles de la foi, il a mentionné en dernier la foi en la prédestination. D'accord? Et donc ça c'est un des piliers de la foi. Et il dit que c'est un des fondements parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et que la foi d'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être complète, excepté s'il a cru en cet article-là, et en ce pilier-là parmi les fondements de la Sunna. Et donc, il faut qu'il l'affirme, il faut qu'il déclare qu'il croit en ce principe-là, et qu'il y croit de façon certaine dans son cœur, qu'il ait la conviction à ce sujet-là. Qu'il croit qu'il n'y a rien dans l'univers, excepté que cette chose-là qui se produit, ou cette chose-là qui existe, est par le décret d'Allah et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il n'y a rien dans l'univers, excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers, excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit petit, hein, ou même microscopique, ou que ce soit au plan, sur le niveau gigantesque, il y en a dans l'univers. Il n'y a rien qui se produise, excepté que c'est parce que Allah l'a voulu, que ce soit bien ou que ce soit mal. Et il y a les points que les ulama ont expliqués par rapport à la foi en Al-Qadar, qui sont les principes, les conditions pour établir la foi en la prédestination. C'est-à-dire, il y a 4 points que si quelqu'un ne les a pas respectés, il n'a pas cru correctement en la prédestination, ou en Al-Qadar. Et ces 4 points-là, c'est Al-Ilm, Wal-Kitab, Wal-Mashi'a, Wal-Khalq. Hein, c'est les 4 fondements. C'est les 4 points de l'iman du qada et du qada. Premièrement, tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes choses éternellement. Il n'y a rien qui échappe son savoir et sa connaissance. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Tu dois affirmer la connaissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Qu'est-ce qui va se produire? Jusqu'à la fin des temps. Comme c'est écrit dans les hadiths authentiques à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, il a écrit la prédestination de tout ce qui est dans l'univers. Hein? Avant même d'avoir créé les cieux et la terre, tout était écrit, et ça c'est jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc ça c'est le deuxième point parmi les conditions de la foi en la prédestination. Le troisième point, c'est Al-Mashi'a. D'accord? Maintenant que tu as affirmé que Allah sait tout, et qu'il sait tout éternellement, et que tu as affirmé par la suite qu'il a tout écrit, ce qui allait se produire, tu dois affirmer par la suite que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un atome qui peut bouger dans l'univers, il n'y a pas une particule qui bouge dans ce monde, excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Donc si c'est le cas pour une particule, eh bien c'est la même chose pour qu'est-ce qui est plus grand, hein, et qu'est-ce qui a rapport avec nos actions et nos gestes et tout ce qui se passe dans la nature également, dans la création d'Allah. Tout ce qui se produit, c'est uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle et à son pouvoir et à cette prédestination et à qu'est-ce qu'il a écrit et décrété. Et comme dernier principe ou dernier fondement ou dernière condition parmi les conditions de la foi en la prédestination, il y a le fait qu'il faut croire que tout ce qui existe, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Que ce soit bien ou mal, tout ce qui existe, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui existe qui serait la création d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tout ce qui existe, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre créateur que lui. Hein? Et ça donc, c'est yani les 4 principes et les 4 fondements pour avoir une aqida en la prédestination qui est correcte. Et bien entendu, pour chacun de ces points-là, il y a des adillas, il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna, et il y a des détails aussi, bien entendu, plus élaborés, plus approfondis, sur ces questions-là, et chacun d'entre nous peut retourner aux ouvrages qui ont été écrits par les ulama sur ces questions-là. Le cheikh il dit ensuite, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et il n'y a rien qui se produit excepté que c'est par sa volonté, hein, il n'y a rien qui sort de sa volonté, et tout ce qui se produit a été écrit dans les tables préservées, dans l'Awh al-Mahfouz. Okay? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut par sa miséricorde et il égare qui il veut par sa sagesse. D'accord? Il guide qui il veut par sa miséricorde et il égare qui il veut par sa sagesse et par sa justice. Donc, ça c'est des points et c'est des choses importantes à comprendre. وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر نصوص كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار وقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Donc الشيخ explique ensuite que il y a beaucoup de preuves qui indiquent l'obligation de croire en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les textes du Coran et dans les textes de la Sunna. Et il mentionne le verset 49 dans Surat al-Qamar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et nous avons créé toutes choses selon une proportion ou selon une détermination précédente. » Il y a quelque chose de « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » dans une mesure bien précise. Et il mentionne d'autres versets aussi, comme le verset 8 dans Surat al-Ra'd et le verset 21 dans Surat al-Hujurat. Ensuite, il mentionne des hadiths à ce sujet-là aussi, comme on a mentionné le hadith de Jibril, qui indique la foi en la prédestination. Et il cite par la suite des paroles comme les paroles de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, dans son livre Al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Il dit « أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته خلق من يشاء للسعادة واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا فهو استأثر به وعلم وعلم حجبه عن خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc il mentionne les paroles de l'imam Ibn Qudama, qui est un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Il dit que les imams des salafs sont tous d'accord, sont tous réunis sur le fait qu'il faut croire en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, de qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et prédestiné. Et que ce soit petit ou grand, tout est par le décret et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers, excepté que c'est par sa volonté. Il n'y a rien qui se passe de bien ou de mal, excepté que c'est par sa volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé qui il veut pour le bonheur et il l'a utilisé dans ce but-là par sa grâce, et il a créé qui il veut également pour le malheur et il l'a utilisé par sa justice dans ce but-là également. Et bien entendu, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est voilée, c'est-à-dire la créature est voilée, c'est-à-dire par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas comprendre ou connaître la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il mentionne dans le verset, dans Surat Al-Anbiya, le verset 23, « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » c'est-à-dire, on ne peut pas questionner, on ne peut pas le questionner par rapport à ce qu'il fait, alors qu'eux sont questionnés. C'est-à-dire, la créature, elle ne peut pas questionner le créateur par rapport à ce qu'il décide de faire. Il fait ce qu'il veut. « Fa'alu lima yurid » et il fait tout par sagesse. Par sagesse, et c'est une sagesse ultime et absolue, et également il fait tout par sa justice et par sa science. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر إلى آخر الآية. Donc le cheikh il dit, il mentionne le verset 179 dans surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous avons certes destiné plusieurs parmi les djinns et les hommes pour l'enfer. il y a des hommes, il y a des djinns qui ont été créés pour l'enfer. Hein? C'est ça leur destinée, c'est ça leur. C'est pour ça qu'Allah les a créés. Et il mentionne le verset 13 dans Surat As-Sajda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si on aurait voulu, on aurait donné à chaque âme sa guidance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminé qu'il allait remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Il allait remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Donc ça fait partie de la sagesse et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a créé, il fait partie de sa sagesse. Il y a un point qui est important à comprendre à propos de ça, à propos de ce point. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ce qui existe, que ce soit quelque chose qui peut nous paraître comme étant mauvais, ou que ça peut nous paraître comme étant quelque chose de bien. D'accord? Mais dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il n'y a pas de mal absolu. Dans le sens que, même dans le mal qui existe, dans ce que Allah a créé, il y a une sagesse dans sa création et il y a un bien dans son existence, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous teste, nous met à l'épreuve par l'existence de ces choses-là qu'il a créées. Et donc, il a créé par exemple Iblis, alayhi la'natullah, il a créé Iblis pour mettre les mu'minines à l'épreuve. Il a créé les ennemis comme Abu Lahab et Abu Jahl pour être des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour mettre les mu'minines à l'épreuve. Et donc c'est des exemples comme ça, et c'est pour qu'il y ait une lutte entre la vérité et le faux, entre la lumière et les ténèbres. Et c'est, ça fait partie aussi de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il a donné à chaque personne la vue, l'ouïe et la raison et le cœur pour réfléchir et pour comprendre et analyser les signes qu'il a mis dans la création, et pour choisir et pour distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il a envoyé les messagers et les livres pour établir la preuve contre les êtres humains. Et après ça, ils n'ont plus d'excuses. D'accord? Donc tout ça, c'est pour comprendre que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis, il a créé des choses qu'il a interdites dans sa révélation, dans le but de mettre les hommes à l'épreuve et de les tester également. C'est-à-dire que il a créé par exemple l'alcool, mais il a interdit l'alcool et il déteste l'alcool. D'accord? Donc il faut faire la distinction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qu'il aime, et les choses qu'il a créées et qu'il n'aime pas. Et ça c'est important. Et comment on fait pour savoir que Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose ou qu'il déteste quelque chose? C'est par rapport à sa révélation. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme indication de ces choses-là dans son livre. D'accord? Donc, quelqu'un ne peut pas utiliser le qadar comme une justification pour ses péchés ou comme justification pour ce qui est haram. Donc, par exemple, si quelqu'un dit, bon, moi, je te frappe, je te donne un coup de poing. Après, la personne dit, pourquoi tu me frappes? Et là, tu dis, ben, c'est le qadar. Allah a décidé que j'allais te frapper. Toi, tu peux lui répondre, oui, mais ce que tu dis, c'est pas correct. C'est pas un argument, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à quelqu'un de frapper un autre, et que ça fait partie de l'injustice et du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslim man salim al-muslimun amin lisanihi wa yadi » Le musulman, c'est celui dont le musulman est sain et sauf par rapport à sa langue et par rapport à ses mains. Donc toi, tu peux pas venir et frapper quelqu'un. Ou quelqu'un pourrait dire par exemple, bon, si Allah a créé le porc, ça veut dire que c'est bon et qu'il a permis. Non, le fait qu'Allah l'a créé, ça ne veut pas dire que c'est permis. Le fait que le kufr et le shirk existent, ça ne veut pas dire que Allah agrée ces choses-là. Au contraire, il les déteste, il les a interdits, il a envoyé les livres et les messagers pour lutter contre ces choses-là et pour mettre en garde contre ces choses-là et pour dire que ceux qui commettent le kufr et le shirk vont brûler en enfer pour l'éternité. Alors comment tu peux prétendre que le fait que ces choses-là existent sont une preuve ou un signe que Allah subhanahu wa ta'ala approuverait de ces choses-là? Et ça, c'est très important de le comprendre, parce qu'il y a des gens d'égarement à notre époque qui essaient de prétendre ou de dire que le fait qu'il y ait différentes religions qui existent dans le monde, que ça c'est le signe que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ça et qu'il a voulu la diversité dans le sens qu'il approuve de toutes ces divergence entre les hommes et qu'on a le choix de prendre ou de choisir celle qui nous plaît. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement total. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a voulu qu'il y ait ces divergences-là, ça ne veut pas dire qu'il les aime et ça ne veut pas dire qu'il les approuve. Parce que la seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala approuve, c'est la vérité. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche, celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc le fait qu'il y ait des divergences entre les hommes, ça c'est une réalité. Ça c'est quelque chose qu'on peut tous constater. Et c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su. Il a su qu'il allait avoir cette divergence. Il l'a écrit. Il l'a voulu. Et il l'a créé. Mais en même temps, il a envoyé les messagers et les livres pour nous faire comprendre que ces choses-là existent pour un but et pour une sagesse, et que nous, on doit choisir la vérité et s'écarter du mensonge parmi ces voies d'égarement-là qui sont soi-disant des diversités. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les justes se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et cette umma va se diviser en 73 sectes, et elles seront toutes en enfer, excepté une. Et quand on lui a demandé laquelle, ô messager d'Allah sera au paradis, parmi ces 73, il a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, il n'a pas dit, choisissez la n'importe laquelle parmi les 73, vous allez être correct. Il leur a dit, non, la celle que vous devez suivre, c'est celle qui suit ma sunna et la sunna de l'exemple de mes compagnons, de mes sahaba. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre que le fait qu'il y ait de la diversité, c'est utiliser le qadar comme argument pour justifier ces choses-là. Donc, ça, c'est quelques exemples par rapport à la prédestination qui sont importants de comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, quand Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu était monté sur l'âne avec lui, à la fin il lui a dit « Wa'alam anna l'ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay, la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. » وَاعْلَمْ وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. C'est un hadith qui est connu, qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abdullah ibn Abbas, sache que si les hommes se réunissent pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront te faire comme bien que ce que Allah a écrit pour toi. Et sache que s'ils se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah a écrit comme mal pour toi, et la plume a été soulevée et l'encre a séché, les pages ont séché. Donc, c'est-à-dire que ceux qui, comme on dit, « ma sha'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun », ce que Allah a voulu est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas, et comme on dit ici dans cette parole de l'imam al-Humaydi, ma asabaka lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'aka aw ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Ce qui t'a touché ou ce qui t'a atteint, ça pouvait pas t'échapper, et ce qui t'a échappé, ça pouvait pas t'atteindre. D'accord? Donc ça c'est une aqida parmi les fondements de la foi à la prédestination, c'est un résumé de la foi à la prédestination. Et il dit, le cheikh il dit, al-iman bil qada'i wal qadar yurithu sa'adatan fi dunya wal akhirah li'anna al-mu'min idha 'alima annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu 'alayhi wa anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah itma'anna qalbuhu wa ta'allaqa bi rabbih wa sarafa amrahu ilayhi wa laysa hadha illa lil mu'min يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Donc, le cheikh, il explique, il dit que la foi en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il amène le bonheur pour le croyant, dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? Donc c'est pas seulement le bonheur dans l'au-delà du fait qu'il aura le paradis à cause de sa foi, mais également même dans cette dunya, du fait que le croyant il est en paix dans son cœur, il est en paix dans son âme, parce que il sait qu'il n'y a rien qui peut lui arriver excepté ce que Allah a écrit pour lui, et rien ne peut l'échapper ou le manquer excepté ce que Allah a écrit pour lui. Donc il accroche son cœur à Allah et il est en sérénité et en paix en lui-même. Hein? Il n'est pas pris par les remords ou par la gloire lorsqu'il arrive à quelque chose. Hein? Comme par exemple, des fois il y a des kuffars parfois qui font des accidents de voiture ou qui ont des accidents ou des choses qui leur arrivent, des malheurs dans leur vie. Et quand ces malheurs-là leur arrivent, bien, ils perdent la tête parfois, ils se remplissent de remords et ils vont même parfois jusqu'à se suicider ou bien des choses de ce genre. Hein? Et ils se remplissent de culpabilité par rapport à un accident qui est arrivé, alors qu'en réalité, le mu'min, lui, il sait très bien que cet accident-là, il ne pouvait pas l'échapper, il ne pouvait pas s'en échapper, parce que c'était écrit pour lui. Hein? Et il y a des koufars parmi les gens, même il y a des, parmi les koufars, il y en a qui, par exemple, sont des athlètes, ou sont des gens qui excellent dans un domaine en particulier, ils ont ce don-là, et ils ont mis tout leur espoir dans cette chose-là durant toute leur vie. Puis ils ont un accident où ils sont atteints d'une maladie ou d'une paralysie, et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus faire cette chose-là qu'ils aimaient faire, soit que ce soit la danse ou le sport ou autre, et là, étant donné qu'ils n'ont plus de raison de vivre, ils ont envie de mourir ou des choses de ce genre. Tandis que le moumine, non, il sait que ça c'est qadar. Hein. Et s'il y a un accident ou quelque chose comme ça, il sait que c'est qadar, parce qu'il n'a pas voulu cette chose-là, c'est que c'est prédestiné. Donc ça c'est un résumé de tout ça. Et le cheikh il mentionne le hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Suhayb, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'affaire du croyant, elle est étonnante. Tout ce qui a rapport avec le moumine, c'est toujours un bien. Hein? Et ça, c'est pour personne d'autre que pour le croyant. Si quelque chose d'heureux lui arrive, hein, quelque chose d'heureux l'atteint, il est reconnaissant. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bien pour lui. Et si quelque chose de mal l'atteint, il endure, il est patient, et ça, c'est un bien pour lui. Parce qu'il est récompensé pour son endurance et pour sa patience. Hein, et ça c'est un bien pour lui. Donc peu importe qu'est-ce qui arrive au mu'min, hein, peu importe que ce soit quelque chose de positif dans sa vie ou quelque chose qui lui fait un tort quelconque dans son corps ou dans sa personne ou dans ses biens, hein, c'est toujours un positif, c'est toujours quelque chose de bien s'il est reconnaissant quand il a le bien et s'il est patient lorsqu'il a une épreuve et une difficulté. D'accord? Et ça c'est uniquement pour le mu'min, parce que le kafir non. Le kafir, quand il a quelque chose d'heureux, il ne reconnaît pas, il n'est pas reconnaissant envers Allah, il ne remercie pas son Créateur. Il ne dit pas « Alhamdulillah, ya Rabbi ». Le kafir ne dit pas ça. Hein. Peut-être qu'il va remercier son idole, ou bien il va remercier Isa, ou bien il va remercier la croix, ou bien il va remercier la nature, je ne sais pas quoi encore, le soleil ou la lune, au lieu de remercier le Créateur de l'univers. Hein. Et s'il a un malheur, il commence à insulter et à maudire les événements ou les circonstances ou le monde ou les choses qui se produisent autour de lui, hein, et il n'a pas de patience ni d'endurance. Donc c'est uniquement le mu'min qui profite et qui bénéficie de ces bienfaits-là. Ensuite, on passe à un autre article parmi les articles de la sunna, parmi les fondements de la sunna, c'est le deuxième point. L'imam al-Humaydi, il dit « Wa anna al-iman qawlun wa amal » يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. Ça c'est un autre parmi les fondements de la sunna, parmi les fondements de la aqida et du manhaj des salaf et de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Hein, tout ça c'est des synonymes. Hein, que tu dis le manhaj des salaf, ou le manhaj d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ou le manhaj d'Ahl al-Hadith, tout ça c'est des synonymes. On parle des mêmes personnes, on parle des mêmes principes, des mêmes fondement, c'est juste des appellations différentes pour désigner ceux qui suivent la vérité, ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Ce deuxième article-là a rapport avec la foi et la définition et la réalité de ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle signifie. La foi, l'imam al-Humaydi, il dit, de même que tous les imams des salafs, ils disent ça aussi, ils disent que la foi, c'est une parole, une action, et c'est une parole et une action, elle augmente et elle diminue. Ça, c'est la définition de la foi selon Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. C'est-à-dire, l'imam, c'est une parole et une action. Elle augmente et elle diminue. Hein. Les ulama, ils disent, hein, une parole, c'est-à-dire une parole de du cœur et de la langue. Et une action, c'est-à-dire une action du cœur et des membres du corps. D'accord? Et il y a d'autres ulama qui le définissent de d'autres manières aussi, qui disent, اعتقادٌ بالقلب و يعني قولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. C'est-à-dire une croyance du cœur, une parole de la langue et une action du corps. Ça, c'est une autre façon de l'exprimer. Hein? Et il y en a d'autres qui disent aussi اعتقادٌ بالجنان وقولٌ باللسان وعملٌ بالأركان. C'est une autre façon, ça veut dire la même chose. D'accord? Ensuite, il dit يزيد وينقص. La foi, elle augmente. Et ça, c'est, elle augmente et elle diminue. Et ça, c'est tout à fait normal puisque nos actions diminuent et augmentent. Donc, depuis qu'on a mis dans la définition de la foi les actions et la parole, et que nos actions et nos paroles augmentent et diminuent, donc c'est normal que la foi, elle augmente et elle diminue. Selon nos actions. C'est pour ça que les ulama, ils disent parfois, يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. Elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec les péchés. Donc la foi, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose de stable et de fixe qui bouge plus, c'est quelque chose qui peut augmenter et qui peut diminuer, selon les actions. Et qu'est-ce qu'il dit donc l'imam? Il dit que la foi, c'est une parole, une action, elle augmente et elle diminue. Et il dit, voilà, il y a un faire qu'on l'a bien mal. C'est-à-dire, la parole que tu vas dire par rapport à la foi, elle ne servira à rien sans les actions. Et il dit, voilà, amalun wa qawl illa bi niyya. Et non plus une action et une parole sans une intention. C'est-à-dire, tes actions et tes paroles ne serviront à rien si elles ne sont pas accompagnées d'une niyya, d'une intention sincère pour Allah seul, hein, d'un ikhlas, tu sais, dans le cœur. Hein. Et voilà, qawlun wa amal bi niyya illa bi sunnah. Donc, c'est-à-dire que ta parole et ton action, une fois qu'elle a été faite avec une bonne intention, une bonne niya, elle doit aussi être en accord avec la sunna. Parce que si elle n'est pas en accord avec la sunna, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sera une innovation, ce sera une bid'a. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la bid'a. Donc ça, c'est une petite phrase qui résume, en fait, la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah au sujet de la foi, au sujet de l'Iman. Et il y a des commentaires justement au sujet, à ce sujet-là. أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن بطة في الإبانة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة فكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل العمل من الإيمان والإيمان من العمل وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان كلها ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى والذي لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. Donc l'imam يعني اللالكائي et l'imam ibn Battah, ils ont mentionné dans leur livre des paroles de l'imam al-Auza'i, un des imams parmi les imams des salafs. Il a dit, la foi ne peut pas être droite, ne peut pas être correcte sans une parole, hein, la parole de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il dit, et la foi et la parole ne peuvent pas être correctes sans les actions. Donc il faut avoir les actions avec la parole et avec la foi. S'il n'y a pas d'action, eh bien c'est, cette foi-là, elle n'est pas correcte. Voilà, yastaqim, et la foi et la parole et l'action ne peuvent pas être correctes non plus sans qu'elles soient faites avec une bonne intention et qu'elles soient en accord avec la sunna. C'est exactement la même parole que la parole de l'imam al-Humaydi. Fakana man mada, il dit, ceux qui nous ont précédés parmi nos salafs, hein, on voit que même à l'époque de l'imam al-Awza'i, hein, il utilisait le terme des salafs. Il dit, ceux qui nous ont précédés parmi nos salafs. Hein, ça réfute tous ceux qui, aujourd'hui, prétendent que le terme salaf, c'est quelque chose de récent ou de nouveau. Hein, même à l'époque des tabi'in et des tabi'in, on employait le terme salaf, et on disait nos salafs. Donc ça prouve que ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître aujourd'hui. Ça existait même à l'époque des premiers parmi les ulama de l'islam et des musulmans de cette umma. Donc il dit, parmi ceux qui nous ont précédés de nos salafs, c'est-à-dire de nos prédécesseurs, hein, ils ne faisaient pas de distinction entre la foi et l'action. Pour eux, l'action fait partie de la foi et la foi fait partie des actions. Hein. Et le mot iman, c'est seulement un mot qui réunit tous ces différents aspects de l'adoration et de la religion. Et tous ces aspects-là de la foi et de la religion sont confirmés par nos actions et par nos œuvres. Donc, celui qui dit avec sa langue qu'il a la foi ou qu'il croit, hein, et qu'il a cru réellement à ça dans son cœur, et qu'il l'a confirmé par ses actions, alors voilà celui qui s'est accroché à l'anse la plus solide, et qui ne se brise pas. Et donc, et celui qui dit avec sa langue, mais qui n'a pas connu réellement la foi dans son cœur, et qui ne l'a pas confirmé par ses œuvres, eh bien, ça ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Donc tout ça, ça résume, là encore une fois, la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de la foi. Ensuite, il dit, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآثَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ رَوَاهَا الْمُصَنِّفُونَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى. Donc ici, il dit parmi les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il y a que la foi, c'est le at-tasdiq, c'est-à-dire que tu crois, que tu confirmes, tu affirmes une foi dans ton cœur, c'est-à-dire la foi en l'islam, en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et que tu le dises et que tu le déclares avec la langue, et que tu l'appliques par les actions, hein, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette foi-là, elle augmente par l'obéissance et qu'elle diminue par les péchés. Et il y a de nombreuses citation des salafs à ce sujet-là. Hein, tu ne peux même pas les calculer tellement elles sont nombreuses. D'accord? Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou al-Fatawa, le volume 7 à la page 225, il dit, et les narrations à ce sujet-là sont très très nombreuses dans les paroles des ulama qui ont écrit au sujet de la aqida, dans les paroles des sahaba, les paroles des tabi'in et dans de nombreux livres qu'ils ont écrits à ce sujet-là. Donc ça, c'est des points qui sont connus. Et parmi ceux qui ont dévié à ce sujet-là, il y a les Murji'a et les Khawarij, qui sont deux groupes extrémistes parmi les groupes d'égarement et les groupes de Bid'a qui ont dévié au sujet de la foi. Hein? Et les Murji'a, c'est des gens qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. Hein? Il y en a qui disent ni les actions ni la parole, c'est seulement ce qui est dans le cœur. Il y en a qui disent parmi eux, comme les Jahmiyyah, ils disent c'est seulement de connaître Allah dans ton cœur. Si tu connais Allah dans ton cœur, même si tu ne dis pas avec la langue, même si tu ne fais pas les actions, tu es croyant. Donc pour eux, Iblis, il est croyant. Hein? Et Pharaon, il est croyant. Et donc pourquoi? Parce que c'est des gens qui reconnaissaient la vérité dans leur cœur, mais ils refusaient de l'exprimer et de l'affirmer, et de le reconnaître verbalement avec leur bouche. Donc pour eux, ce sont des mu'minis. Hein, c'est ça la foi pour eux. Et ça, bien entendu, ce sont les égarés, hein, les Jahmiyyah. Ensuite, il y a d'autres groupes parmi les Murji'a qui ont dévié aussi au sujet de la foi. Et parmi eux, il y a les Asha'ira. Hein, eux, ils disent que la foi, c'est juste un tasdiq, par le cœur. Il y en a parmi eux qui disent c'est at-tasdiq, de reconnaître dans le cœur, mais aussi tu le dis avec la langue. Il y en a qui disent que c'est la parole avec la langue, mais les actions ne font pas partie de la foi pour eux. Donc peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est pas grave. Hein? Même si tu fais des péchés, que tu ne fais rien des obligations de l'islam, pour eux, tu es un croyant quand même. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme ça, qui ont ces idées-là parmi les musulmans. Quand vous leur parlez de la religion de l'islam, vous leur dites, il faut faire ce que Allah nous ordonne, il faut s'éloigner de ce que Allah nous interdit. Hein? Eux, ils vont sortir des excuses et des prétextes. Ils vont dire, al-iman fil qalb. La foi, c'est dans le cœur. Dans le sens que, tu peux pas me dire, que je suis un musulman faible ou que j'ai pas une bonne foi ou une bonne pratique, puisque moi, même si je pratique rien de la religion, et que toi tu pries, tu fais toutes les obéissances ou les actes d'adoration apparents de l'islam, moi je suis meilleur croyant que toi dans mon cœur. Hein? Donc ils pensent que la foi se limite juste à qu'est-ce qu'ils pensent avoir dans son cœur, mais la réalité c'est que la foi, si elle est réellement dans le cœur, elle va pousser quelqu'un à agir, elle va le faire pratiquer cette foi-là. C'est pas juste quelque chose qui est caché dans son cœur, c'est quelque chose qui va se voir, c'est quelque chose qui va se montrer dans ses actions et dans ses paroles, d'accord? Et donc, il y a beaucoup de preuves de ça dans les références du Coran et de la Sunna, bien entendu. Bon, ensuite, il y a les Khawarij aussi qui ont dévié au sujet de la foi. Ils disent aussi que, ces gens-là, ils disent que, eux, c'est des gens qui ont exagéré, mais dans l'autre extrême. On dit, les actions font partie de la foi, mais eux, ils vont dans l'autre extrême. Ils disent, si tu en perds une partie, tu perds tout. Hein? Donc, c'est pour ça qu'ils disent que si tu fais une kabira parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés, tu sors complètement de la foi. T'as plus aucune foi dans ton cœur. Les murji'a, c'est l'autre extrême. Ils disent, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça diminue jamais ta foi. Ta foi reste toujours égale. Et la foi des prophètes, la foi des anges, la foi des prophètes, la foi des salihin et des sahaba, et la foi des gens qui font les kaba'ir et les péchés, c'est toute la même. On est tous égaux dans la foi. Ça, c'est la aqidah des murji'a. Tout le monde est pareil dans la foi. Peu importe qu'il soit obéissant ou qu'il fasse des péchés, tout le monde est pareil dans la foi. Et ils disent que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est toujours stable. Hein? Que tu fasses des péchés ou que tu fasses des bonnes choses, les deux, c'est égal pour eux. Ça, c'est la aqidah des murji'a. Et ça, c'est en contradiction avec la aqidah des salaf et en contradiction, bien entendu, avec les preuves du Coran et de la Sunna, qui montrent que la foi, elle est différente d'une personne à une autre, que la foi, elle est différente dans la même personne, elle peut augmenter, elle peut diminuer aussi. Hein, et on va mentionner des preuves à ce sujet-là plus tard. Donc ça, c'est en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec al-Iman. Ensuite, il y a le troisième point parmi les points de la aqidah de l'imam al-Humaydi, qui est la aqidah des salaf, c'est at-tarahum ala ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kullihim, fa inna Allah azza wa jal qal, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا باستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية فمن لم يقل هذا فمن لم يقل هذا لهم ليس ممن جعل له الفيء. Maintenant, il passe à un autre point parmi les fondements de la sunnah. Et ce fondement de la sunnah, c'est quoi? At-tarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est un point qui a rapport avec la aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'a vis-à-vis des sahaba. Et c'est quoi le manhaj des salafs? vis-à-vis des Sahaba. Donc, il explique qu'on doit avoir la miséricorde et envoyer la miséricorde sur tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans exception. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surah Al-Hashr, le verset 10, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les Muhajirin et les Ansar, hein, ils disent, ô notre Seigneur, Rabbana, irfirlana, c'est-à-dire pardonne à nous, et ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est-à-dire que ceux qui viennent après eux, parmi les Tabi'in et ceux qui les ont suivis par la suite jusqu'à nous aujourd'hui, et ceux qui vont venir jusqu'au dernier, jusqu'au dernier temps, ils demandent pardon pour ceux qui ont précédé dans la foi. Ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les Muhajirin et les Ansar et pour les Sahaba. D'accord? Donc ça c'est parmi les caractéristiques des mu'minines que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié dans ce verset-là. Le Cheikh, l'imam Al-Humaydi, il dit, on n'a pas été commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de faire autre chose que de demander le pardon pour eux. Hein? Donc, il dit, ceux qui les insultent ou qui les rabaissent, hein, ou qui rabaissent un d'entre eux, ou un parmi les sahabes, il n'est pas sur la sunnah. Et il n'a pas le droit au fait. Il n'a pas le droit au fait qui est distribué parmi les musulmans. Hein, parmi les pauvres et parmi les nécessiteux, etc. Ceux qui ont droit au butin, hein, parmi les musulmans. Donc, c'est-à-dire que celui qui insulte les sahaba au complet, ou bien un parmi eux, il n'est pas, hein, dans la sunna. Et les ulama ont dit, celui qui insulte tous les sahaba au complet, c'est des kuffars. Hein, ceux qui les insultent en entier, sont des kuffars. Comme les rafidah, hein. Ils insultent les sahaba en général, et en commençant par Abu Bakr et Omar et Othman radiallahu anhum. Ils disent que ce sont des kuffars. Les rafida, shi'a rafida, ils disent que les sahaba sont des kuffars, en commençant par les trois premiers khulafa. Hein? Donc celui qui les, ceux-là, ce groupe-là sont des kuffars à cause de ça, puisqu'ils détestent et qu'ils insultent les sahaba. Hein? Et celui qui les déteste et qui insulte les sahaba, il n'a pas de place dans l'islam, hein, parce que ce sont les sahaba qui nous ont transmis cette religion-là, hein. Et ensuite, celui qui insulte un parmi eux, dans ce cas-là, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, et il n'est pas sur la sunna. Et il a mentionné justement les paroles, il dit qu'on nous a transmis, selon plusieurs personnes, les paroles de l'imam Malik ibn Anas, les paroles de Malik ibn Anas. Imam Udar al-Hijra, vous le connaissez tous, hein. Imam Malik ibn Anas, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a distribué ou a divisé, hein, le butin parmi les mu'minés en mentionnant les muhajirin et les ansar. Hein, il mentionne le verset, yani 8, 9 et 10 parmi les versets de Surah al-Hashr. Puis ensuite, il a dit, il dit les fuqara al muhajirin, les pauvres parmi les muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure, ainsi de suite. Ensuite, il parle des ansar, hein. Et ensuite, il parle, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, Seigneur, pardonne à nous et ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc, ceux qui ne demandent pas le pardon pour eux, ne fait pas partie de ceux qui ont droit au fait ou au butin. Et donc ça c'est un exemple que l'imam Malik a mentionné. Et l'imam Malik a mentionné un autre exemple aussi qu'on va citer, inshallah, peut-être dans la prochaine partie, inshallah, qu'il a mentionné comme preuve pour expliquer que celui qui déteste les sahaba, il n'est pas considéré parmi les musulmans. L'imam Malik, rahimahullah, il a fait le takfir, hein, il a déclaré kuffar ceux qui détestent les sahaba. Ceux qui détestent les sahaba, il a dit que ce ne sont pas des musulmans. Donc le shaykh, il explique cette parole de l'imam al-Humaydi, et il dit, « Hubbu jami'i sahaba, wa taraddi anhum, wa tarahum alayhim, wa hifdu fada'ilihim, wa li'tirafu lahum, بصوابقهم ونشر مناقبهم من عقيدة السلف الصالح ومن صفات عباد الله المؤمنين المتقين ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورضوا عنه فمن سبهم أو تنقصهم فاعلم أنه ذو اعتقاد فاسد ومتهم في دينه وأهل السنة يحبون جميع الصحابة رضي الله عنهم ويعرفون لكل واحد منهم حقه وفضله وهم أكمل الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وعملا بعد الأنبياء والمرسلين. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود عملا بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. Donc, le cheikh explique que d'aimer les sahaba, d'aimer tous les sahaba, et d'être satisfait d'eux, et de dire radiallahu anhum, et de dire rahmatullahi alayhim, d'avoir la miséricorde pour eux, et de préserver leur mérite, et de reconnaître le fait qu'ils nous ont précédés dans la foi, et de propager leur mérite et leurs bonnes œuvres dans l'islam, ça fait partie de la aqida des salaf al-salih et ça fait partie des caractéristiques des croyants parmi les mu'minines qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. D'aimer les sahaba fait partie de la religion et ça fait partie de la foi, et de détester les sahaba ça fait partie de la mécréance et de l'hypocrisie. Donc ce sont les meilleurs hommes après les prophètes et après les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éduqué lui-même, c'est lui-même qui a fait leur éducation, que Allah soit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran à propos des sahaba, à chaque fois, radiyallahu anhum wa radu anhu, c'est-à-dire, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Donc ça veut dire que c'est un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a personne d'entre les musulmans, en dehors des prophètes et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne au sujet desquels on peut dire que Allah est satisfait d'eux. Qui d'entre nous peut prétendre que Allah est satisfait de lui? Personne. On ne peut pas être certain de ça. Tandis que les sahabas, on peut être certain que Allah est satisfait d'eux puisqu'il l'a dit dans le Coran. Il a donné une tazkiya aux sahabas. Il a dit je suis satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Allah va être satisfait de nous uniquement proportionnellement ou par rapport à notre façon de suivre les sahaba. Plus on les suit, plus Allah sera satisfait de nous. Moins on les suit, moins Allah sera satisfait de nous. Donc, eux, c'est notre exemple et c'est le modèle qu'on doit suivre puisqu'ils suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit ce sont les meilleurs hommes et Allah est satisfait d'eux, ce sont les meilleurs après les messagers et les prophètes, et Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc quiconque les insulte ou les rabaisse, alors sachez que c'est une personne qui a une fausse croyance, comme par exemple les rafidah, parmi les shi'a rafidah, ce sont des gens qui insultent les sahaba et qui les rabaissent, ceux-là sont des gens qui ont une croyance corrompue, qui n'a rien à voir avec l'islam. Même si tu les vois en apparence qu'ils défendent ou qu'ils parlent de l'islam ou au nom de l'islam, le fait qu'ils insultent les sahaba, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Même si vous les voyez en train de montrer à la télévision qu'ils disent « Ah, nous on défend l'islam, on est contre ci, on est contre ça, on est pour ci, on est pour ça », et qu'ils montrent en apparence qu'ils ont un attachement à l'islam, la réalité, qu'est-ce qui est caché derrière cette fausse apparence-là, c'est qu'il n'y a rien à voir avec l'islam, puisque ce sont des gens qui détestent ceux qui nous ont amené cette religion-là. Et donc, ceux qui les rabaissent et qui les insultent, ceux qui insultent et rabaissent les sahaba, ils sont déjà avec une aqida qui est corrompue. Et ils sont muttahamun. Muttahamun fidi. La personne qui les insulte, il est comme on dit, accusé hein, dans sa religion. On doute de sa religion, de sa foi ou de sa religion. Les gens de la Sunna, ils aiment tous les Sahaba sans exception. Et ils reconnaissent leur mérite. Hein. Ils reconnaissent le mérite de chacun d'entre eux, et son droit, et son mérite. Hein. Et ils savent que ce sont parmi les musulmans ceux qui ont un islam le plus complet, ceux qui ont une foi la plus complète, ceux qui ont une connaissance et une pratique la plus complète parmi les musulmans, après les prophètes et les messagers. Et Allah, il dit justement à ce sujet-là, dans le verset dans surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans le verset Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux les uns avec les autres. Tu les vois s'incliner et se prosterner, recherchant d'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrément, et tu vois dans leur visage la grâce et l'agrément. Ils recherchent l'agrément et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vois dans leur visage le signe de la prosternation. Et également, ils aiment et ils respectent les sahaba en se basant sur le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « N'insultez pas mes compagnons, parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main que si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud, ce serait même pas comparable à la poignée de main que l'un d'entre les sahaba a donné en blé ou en céréales yannickées à son époque. Ça veut dire que si le sahabi donne une poignée de blé ou quelque chose en sadaqa, ça a plus de valeur dans la balance au jour de la résurrection que si l'un d'entre nous donnait la montagne de Uhud en or. Donc personne d'entre nous ne peut égaler les sahaba en quoi que ce soit. Ils ont un mérite au-dessus de tout. Et donc, ça c'est pour nous faire comprendre ce point-là par rapport au point de qu'est-ce qui a rapport avec la aqida au sujet des sahaba. On va s'arrêter ici, inshallah, puis on va continuer après la salat d'expliquer d'autres points qui ont rapport avec cet aspect-là des fondements de la sunna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته